Bonjour Valérie. Bonjour Caroline. Alors vraiment, après une première chronique où on a mis en lumière c'est quoi un virus versus une bactérie et qu'est-ce que le coronavirus plus spécifiquement, maintenant parlons concrètement là des armes contre le coronavirus. Alors Monsieur Arruda nous l'a dit puis on le répète partout là, la distanciation sociale et le savon et ou les petits gels. Mais le savon, en tout cas, on pourra s'en reparler, là, mais qu'est-ce qui est le mieux, là? Mais distanciation sociale et savon, disons que c'est ce qu'on veut mettre de l'avant. Ben oui, puis je vais commencer par parler du R0, parce que quand on s'est parlé mercredi, tu as évoqué rapidement le R0, puis je me suis dit, on peut pas laisser ça en plan, faut revenir là-dessus. Et c'est justement ce R0 qui permet de comprendre l'utilité des mesures de distanciation sociale. Alors, pour expliquer le R0, en fait, je vais reprendre les explications de Benoît Masse, qui est professeur de médecine sociale et préventive à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Et il écrit des articles de vulgarisation sur la COVID-19 dans la revue Options politiques. Et j'ai trouvé que son explication était très claire. Alors, je me permets de la reprendre. Donc, le R0, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée va infecter. Donc, par exemple, si R0 est égal à 3, ben, cette personne-là va infecter 3 autres personnes. Et ces trois autres personnes vont à leur tour infecter 3 autres personnes, et ainsi de suite, et la maladie se répand. Ouais. Alors, si le R0 est égal à 1, l'épidémie stagne. Et si le R0 est inférieur à 1, l'épidémie va régresser. Alors, si on prend, par exemple, un R0, là, on fait un petit peu de maths, c'est pas très facile au déjeuner, comme ça. Non, mais je trouve ça éclairant, quand même. Oui, ça va. C'est pas trop indigeste. Si le R0 est égal à 0,5, bon, on va pas partir d'un malade, parce que ça a pas de sens de dire qu'un malade va infecter une demi-personne. Ouais. Alors, prenons 100 malades. Donc, ouais, avec R0 égale 0,5, ces 100 malades vont infecter 50 personnes qui, à leur tour, vont infecter 25 personnes et ainsi de suite. Et on arrive à la fin de l'épidémie. Ouais, ce serait le scénario idéal, mais c'est pas ça avec la COVID-19. Alors, pour venir à bout de l'épidémie, il faudrait, si je comprends bien, un R0 inférieur à 1. Et le R0 de la COVID-19, lui, c'est pas ça, là. Il est de combien? Je sais pas si on le sait exactement, si on a réussi à avoir des chiffres. Ben, il est de l'ordre, il est entre 2 et 4. Alors, disons qu'on va, on va dire qu'il est de 3. Mais il est pas figé, en fait. C'est pas quelque chose de fixe, parce qu'il dépend de 3 choses. Il dépend du risque de contracter le virus lors d'un contact. Parce qu'après tout, c'est pas parce qu'on parle avec quelqu'un que le virus va nous sauter dessus. Il dépend aussi du nombre de jours où une personne infectée est contagieuse. Et puis, il dépend aussi du nombre de contacts entre les gens. Et ça, c'est ce troisième facteur, donc le nombre de contacts entre les gens, qui nous amène à la distanciation sociale. Donc, ouais. C'est-à-dire, distanciation sociale, ça le dit bien, là, on se distancie et on diminue le nombre de contacts entre les gens. Donc, le professeur Benoît Masse, il écrit que si on diminue le nombre de contacts de moitié, on diminue aussi le R0 de moitié. Okay, donc, oui. Si avant l'épidémie, on était en contact, disons, avec 20 personnes par jour et qu'on réduit ce nombre de contacts à 10 par jour, donc par exemple, on se contente de voir notre famille et puis de croiser quelques personnes à l'épicerie, alors ce R0 qui était de 3, ben, il passe à 1,5. Oui, c'est clair, c'est une équation, c'est logique. Mais bon, est-ce que ça diminue le nombre de personnes infectées? Est-ce que ça aussi, c'est une équation? Ben oui, ça va diminuer, ouais, ouais. Parce que, donc, je disais tout à l'heure, avec un R0 de 3, une personne va en infecter 3, qui vont en infecter 3 autres, donc on arrive à 9, puis qui vont en infecter 3 autres, donc on arrive à 27. Et par exemple, au bout de 5 cycles, on arrive à 243 personnes infectées. Mm-hmm, ça monte vite, là. Ouais, ça monte vite, c'est ça. Avec un R0 de 1,5, donc qui est seulement la moitié de 3, au bout de 5 cycles, on arrive seulement à 8 personnes infectées. Ah, ça fait une bonne différence, vu ouais, comme ça, hein? Exactement. Ça nous fait reviser nos tables de mathématiques, là, mais... Donc, oui. On passe d'un R0 de 3 à 1,5, c'est seulement une division par 2, mais on passe de 243 personnes infectées à 8 personnes infectées. Ouais, donc, ouais, c'est ouais. Quand même vraiment un effet. Et si on diminue encore plus nos contacts, donc si on augmente, La mesure de distanciation sociale, elle sera encore plus efficace et on va venir plus vite à bout de l'épidémie. D'où l'importance de suivre les consignes, et c'est clair comment c'est ça, tu nous l'expliques. C'est mathématique. C'est mathématique, oui, oui, effectivement. Et puis, il y a une autre mesure. Bon, la distanciation sociale, tu nous l'as bien expliqué, on comprend pourquoi 2 mètres, c'est ce qu'on dit environ, là. Ouais. L'autre mesure, c'est pour contrer l'épidémie, c'est l'hygiène, hein, se laver les mains souvent, on risque d'avoir les mains craquées comme certains. Ouais. Mais bon, est-ce que le savon c'est suffisant? Est-ce qu'il est assez puissant pour tuer le virus, un savon à main ordinaire? Ben oui, en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour éliminer le virus qui est sur notre peau. Puis dans le fond, ça tombe bien parce que tout le monde a du savon chez soi. Et pour comprendre pourquoi le savon est efficace, ben là, on va faire un petit peu de chimie. Après avoir fait un petit peu de maths, on va faire un petit peu de chimie. Donc, l'enveloppe du coronavirus, elle est faite de lipides. Les lipides, c'est des gras. Et donc, l'enveloppe du coronavirus, c'est du gras. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait pour laver du gras, pour dégraisser la vaisselle, hein, Caroline? Du bon savon à vaisselle. Voilà, avec quoi tu laves ta poêle dans laquelle tu as fait frire des frites, des saucisses, et puis il y a plein de gras au fond de ta poêle, avec quoi tu laves ta poêle? Exact. Alors, je vais faire la vaisselle plus souvent, c'est une autre bonne raison. Non, mais tu laves avec du savon de vaisselle, j'imagine. Exactement, le savon à vaisselle. Alors, mais bon, alors pourquoi le savon, donc dans ce cas-là, le savon dégraisse le gras finalement et le gras du virus en quelque sorte, on peut faire le lien? Ben, c'est ça exactement. Donc une molécule de savon, ça ressemble à une tête d'épingle, à une épingle. Et la tête, elle aime l'eau, mais la queue de l'épingle, elle aime pas l'eau. Mais dis donc, c'est pour ça nos cours de chimie en secondaire 5. Voilà, ça exactement. Ça servait à ça. Ouais. Donc, si on a des virus sur les mains et qu'on se lave les mains avec de l'eau et du savon, bien, la queue de la molécule de savon qui n'aime pas l'eau va fuir l'eau et pour ça, elle va s'intercaler dans la membrane du virus. Et je disais que donc l'enveloppe du virus, c'est du gras. Donc, le savon va faire avec le gras de l'enveloppe du virus la même chose qu'avec le gras qui est au fond de la poêle quand ça fait cuire des saucisses. Mm-hmm. Oui. Donc, l'image est parfaite, Valérie. Voilà. Donc, il va dissoudre le gras et adieu virus. Ouais. Alors, faut préciser que ça marche avec ce coronavirus parce qu'il a une enveloppe de gras, mais ça marche pas avec d'autres virus. OK. Ah bon, ben c'est bon à savoir, mais en tout cas, dans le cas qui nous occupe et pour un bout de temps encore, c'est le coronavirus qu'on veut chasser. Ouais. Ah, puis, on parle beaucoup, puis on a vu des choses absolument épouvantable en pharmacie, des hausses de prix là, mais ces fameux gels hydroalcooliques là, les petits gels qu'on achète un peu partout en pharmacie là, et qu'en est-il de ces gels là? Ben si tu laves ta poêle avec un gel hydroalcoolique, ça va pas être très efficace, n'est-ce pas? Ouais, j'ai jamais essayé. Ouais, mais non, mais blague à part, ça marche quand même parce que le gel est quand même efficace contre le virus parce qu'il désorganise quand même la membrane du virus. Et surtout, il est efficace parce que l'alcool détruit les protéines. Et alors là, un petit détour sur la structure de virus. À la surface du virus, il y a des protéines qui sont reconnues par des récepteurs qui sont sur nos cellules à nous. Mmh. C'est comme ça que le virus entre dans notre corps, parce qu'il y a cette adéquation entre les protéines qui sont à la surface du virus et des récepteurs qui sont sur nos cellules. D'accord. Et le gel hydroalcoolique, lui, il détruit ces protéines qui sont à la surface du virus. Et donc, le virus ne peut plus entrer dans nos cellules. Donc, ça marche aussi. Ouais, mais c'est pas plus efficace que le savon. Simplement, il faut, dans les magasins ou à l'entrée des hôpitaux, c'est plus facile d'installer un distributeur de gel hydroalcoolique qu'un lavabo avec de l'eau et du savon. Ouais. Mais le gel est pratique là où on n'a pas d'eau à disposition. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, se laver les mains, ça implique de l'eau. Là, faut pas nécessairement, et ça, c'est mon petit côté écolo, là, laisser couler l'eau pendant 10 minutes. Là, vous lavez les mains. Quoi, 20, on parle de 20, un bon lavage de main, 20 ouais, secondes. Là, 20, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et puis dans les cracks, et puis tout ça, ça peut se loger, j'imagine, sous les ongles un peu aussi. Il faut y aller bien comme il faut un peu partout. Hein? Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire ça à la va-vite. Il faut bien se laver les mains comme peut-être on n'y a jamais fait. C'est ça. Donc, en conclusion, Valérie, le message, distanciation sociale, on reste chez soi, ça réduit les contacts. Et ben, puis si on sort à chaque fois parce qu'il faut aller faire l'épicerie peut-être, là, se laver les mains avec du savon, idéalement, hein, parce que le gel hydraulique, ou si on pourrait le garder pour les endroits où on n'a pas, tu sais, où... Les institutions, peut-être. C'est ça. Des fois, dans nos déplacements, on n'a pas toujours accès à de l'eau et du savon. Donc, c'est bien d'avoir du gel hydroalcoolique, mais le savon, sinon, quand on rentre à la maison, le savon va faire l'affaire. Ouais. Excuse-moi, vas-y. Ouais, puis j'ajouterais aussi, en fait, que quand on est dehors et qu'on touche éventuellement à des marchandises ou des poignées de porte et qu'on ne peut pas se laver les mains aussitôt, on ne se met pas les doigts dans le nez et on ne se frotte pas les yeux. Oui, c'est ça. Faut pas oublier les yeux. C'est une porte d'entrée, hein. Les gens disent la bouche, le nez. On oublie trop souvent les yeux. Nos lunettes aussi qu'on touche régulièrement. Faut faire attention aussi. Ouais. Hey, on va être conscient de notre corps, là, après, ça va être incroyable. On va être conscient de nos mains, nos yeux, notre face, toutes les parties de notre corps. Valérie, merci beaucoup. C'était très, très éclairant. Puis, si tu le veux, on pourrait se reparler la semaine prochaine. Il y aura certainement d'autres sujets. Oui, peut-être la saisonnalité. Est-ce que du virus, est-ce qu'il va partir, ce fameux virus? Est-ce qu'il va prendre des vacances cet été? Oh, as-tu une réponse pour nous, là? Je vais y voir ça. Merci Valérie, j'espère qu'il ne sera pas là cet été, mais enfin, on verra, ça c'est une autre affaire.